Les organisations politiques et sociales de divers pays ont témoigné du soutien à la juste cause du peuple coréen. Le comité central du Parti communiste du peuple d'Espagne, l'Union de redressement du communisme du Brésil, le syndicat uni des travailleurs de l'Association nationale de santé des enfants du Pérou ont condamné vertement dans leurs déclarations et lettres de solidarité adressées au peuple coréen la politique belliqueuse des États-Unis contre la Corée. Ils ont témoigné entièrement du soutien à la position immuable de la Corée pour mettre fin fondamentalement au danger de la guerre nucléaire dans la péninsule coréenne et sauvegarder la paix de la région et du monde.